Galilée, mathématicien de génie, par Feng Brentano. L'histoire du grand savant italien est aussi belle qu'émouvante. On en a parfois voulu faire un instrument de combat. Elle doit être envisagée du plus haut et dans un esprit plus large. Tenons compte de la lenteur avec laquelle les idées se font jour dans la pensée des hommes. Tenons compte également des liens étroits qui unissaient, dans l'ancien temps, des conceptions scientifiques aux idées philosophiques et religieuses, et de la grande place que ces dernières occupaient non seulement dans la pensée, mais dans les mœurs mêmes et dans la vie quotidienne de l'humanité. Il est très vrai que Jeanne d'Arc fut condamnée par les juges ecclésiastiques de Rouen. Il est très vrai que Galilée fut condamné pour hérésie par le Saint-Office romain. Mais il est non moins vrai que les États protestants de Hollande exilèrent les cartésiens et que la synagogue d'Amsterdam crut devoir anathématiser les doctrines de Spinoza et les corps scientifiques et jusqu'à nos jours. Quel fut l'accueil fait par l'Université de Paris aux thèses philosophiques de Hippolyte Taine? Quel fut l'accueil de l'Académie des sciences aux fécondes découvertes de Tellier sur la conservation des aliments par le froid? En notre temps où tant de modifications et si profondes se sont introduites dans la pensée, dans les mœurs et dans la manière d'envisager les conceptions religieuses, nous devons apporter une grande indulgence dans la façon de juger non seulement la pensée et les croyances de nos contemporains, mais celles des ancêtres. D'autant que si nous-mêmes avions vécu au XVIe ou au XVIIe siècle, nous aurions partagé ces mêmes sentiments dont nous croyons pouvoir faire grief aux hommes de ces générations. Galilée naquit à Pise le 15 février 1564, au moment où Michel-Ange mourait, et il devait quitter ce monde dans sa villa d'Arcetri, en Toscane, le 8 janvier 1642, le jour même où naissait Newton. Ces trois grands hommes semblent s'être transmis ainsi le génie de main en main. Vincent Galilée, père du grand penseur, était lui-même homme de rare valeur. En 1581, il envoyait son fils faire ses études de médecine à l'université de Pise, car il le destinait à l'art d'Hippocrate et de Galien. Mais le jeune homme se sentait irrésistiblement entraîné vers la philosophie et les sciences exactes. Il s'y adonna avec une passion fougueuse et qui fait penser à celle des grands amoureux. La violence de ses sentiments est dans les questions les plus abstraites, jointe à son esprit sarcastique et railleur, et qui, en sa passion, s'exprimait sans mesure, fut pour beaucoup dans l'issue tragique de sa destinée. Il commença par partir en guerre, et dès l'âge de 18 ans contre les doctrines d'Aristote qui semblaient alors loi d'évangile, presque au même titre que les livres saints. Il s'attaque à la mécanique du grand péripatéticien et qui était effectivement la partie la plus faible de son système. Il en reprend les erreurs une à une. Aristote avait cru pouvoir établir que de deux corps, tombant d'une égale hauteur, le plus lourd atteignait le premier la terre et conséquemment, que la vitesse de la chute était proportionnée au poids. En ces fameuses expériences faites du haut de la tour penchée de Pise, et qui font penser à celles que Pascal fera plus tard du haut de la tour Saint-Jacques, Galilée prouva que la vitesse de la chute des corps est déterminée non par le poids, mais par la résistance plus ou moins grande de l'air, et que tous les corps tombant dans le vide ont, dans leur chute, une vitesse égale. Sur cette voie, Galilée parvint à déterminer les lois de la chute des corps, un de ses plus beaux titres de gloire. Vers la même époque, à Pise, se placent ses célèbres observations sur le mouvement du pendule. Son attention fut attirée sur le balancement d'une lampe suspendue à la voûte de la cathédrale. Il nota que les oscillations en étaient d'une parfaite régularité. On montre encore, au dôme de Pise, la lampe qui aurait fourni au jeune savant l'occasion de ses observations fameuses. On sait comment, de ces découvertes, si simples en apparence, sortiront les horloges de précision où le pendule ne fonctionnera plus comme moteur, mais comme régulateur. Les découvertes pratiques vont ensuite se succéder. Au nom de Galilée se rattache l'invention du thermomètre, celle des petites balances destinées à mesurer la proportion de deux métaux contenus dans un alliage, enfin celle du télescope. Il est vrai qu'il en est de ces inventions comme de presque toutes les découvertes humaines. Rarement la pensée d'un homme les réalise en entier, sous un éclair de génie. Pour plus de commodité, la postérité mettra la découverte sous le nom d'un seul, Van Eyck aurait ainsi inventé la peinture à l'huile et Gutenberg l'imprimerie. Ces hommes éminents eurent grand part, assurément, en ces progrès, mais sans qu'il soit juste d'effacer celle qui revient aux précurseurs et aux contemporains. L'invention du télescope eut le plus grand retentissement. La plupart des opticiens se mirent aussitôt à exploiter cette merveilleuse nouveauté. À Venise, notamment, il n'était tours, clochers ou fenêtres, prenant jour sur l'Adriatique, où l'on voyait braquer quelques longues lunettes, observant les mouvements des navires sur la mer aux flots bleus. Attirés par la renommée grandissante du jeune savant, les étrangers arrivaient de toute l'Europe. Le duc de Toscane le nommait professeur à l'université de Pise. Il avait 25 ans. Le succès de son enseignement fut des plus grands. Les élèves s'y pressaient en foule, et parmi eux, des personnages du plus haut rang. L'archiduc Ferdinand, qui deviendra empereur d'Allemagne, landgrave de Hesse, le duc de Mantoue. Le prince Gustave Adolphe de Suède veut recevoir de lui des leçons de mathématiques pendant son séjour en Italie. Ainsi, Galilée prenait, tout jeune encore, figure d'illustration nationale. Sa maison était envahie par ses élèves, par ses admirateurs, par les curieux. Il en arrivait, comme un roi de France, à prendre ses repas en public, et tout en mangeant, il poursuivait le cours de ses explications philosophiques et scientifiques. Elle portait surtout sur la mécanique et bientôt sur l'astronomie. Il priait ses auditeurs quotidiens de s'asseoir, de partager son frugal repas, et comme son ménage, modestement monté, n'était pas pourvu de linge de table en quantité suffisante, les serviettes étaient remplacées par des feuilles de papier. L'invention de son télescope amena donc Galilée à s'occuper plus particulièrement d'astronomie. C'est le 7 janvier 1610, notre illustre savant avait atteint l'âge de 46 ans, que se place l'événement qui devait avoir sur sa pensée, et généralement sur la pensée humaine, et sur sa propre destinée, de si grandes conséquences. Il était 1 heure du matin. Ayant braqué son télescope sur la planète Jupiter, il aperçut, tout auprès, 3 petites étoiles, 2 à l'est, 1 à l'ouest. Le lendemain, renouvelant la même observation, il remarqua que les petites étoiles avaient changé de place. Elles étaient là, présentes, toutes 3 à l'ouest de la planète. Et de nouvelles modifications dans l'emplacement des mêmes étoiles furent observées les jours suivants. Galilée découvrit ainsi que les astres du firmament étaient soumis à des évolutions jusqu'alors inconnues. Peu après paraissait le messager sidéral dédié au grand-duc de Toscane, où Galilée apportait une confirmation éclatante aux récentes théories de Copernic, en contradiction avec la doctrine d'Aristote et avec la vieille astronomie de Ptolémée. Les aristotéliciens couvrirent de brocard le messager sidéral et Galilée leur répondit avec une verve d'autant plus mordante que de sa pensée il dominait de beaucoup ses contradicteurs. La querelle prit une extension et une intensité inouïes. On y mêlait la politique. Le grand-duc de Toscane, auquel le messager sidéral était dédié, était circonvenu de toute façon. Les professeurs de philosophie refusaient de venir regarder par le télescope révolutionnaire. Un fameux astronome de Florence, nommé Sizzi, démontrait que, comme il y avait 7 ouvertures dans la tête, 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et la bouche, et 7 métaux et aussi 7 jours dans la semaine, il ne pouvait y avoir que 7 planètes. Mais le duc Comte de Médicis, qui l'a regardé par la lunette, se déclara convaincu et gratifia Galilée d'un cadeau de 1000 florins. Ces faits retentissants amenèrent notre savant à Rome. Dans les jardins même du Quirinal, le terrible télescope fut dressé. Galilée se déclarait de plus en plus ouvertement pour le système de Copernic, et les polémiques de reprendre à Rome avec une violence accrue. L'illustre philosophe maniait le sarcasme d'un esprit singulièrement incisif. Il écrasait ses adversaires et les plus haut placés, non seulement du poids de ses arguments, mais de ses satires impitoyables. Une ligue se forma. Les esprits en ville, dans le clergé, dans la noblesse, se divisèrent en 2 camps. Celui de Galilée était numériquement le plus faible, mais il comptait les hommes les plus éminents et parmi eux nombre d'ecclésiastiques. Des académies s'improvisaient pour d'interminables discussions. Galilée allait partout, répondant à ses adversaires dans les réunions mêmes qu'ils avaient organisées. il les livrait au plus profond ridicule, écrit au cardinal d'Este un de ses correspondants. Ainsi, l'attention de l'Inquisition fut éveillée. Les années ont passé. Galilée, en 1632, a 68 ans. Il fait paraître son grand ouvrage « Système du monde de Galéo Galilée ». Le livre était sous forme de dialogue entre trois interlocuteurs, Salviati, Sagredo et Simplicio. Salviati, l'homme de science à la pensée juste, portait le nom d'un ami de l'auteur. Sagredo, autre partisan des théories nouvelles, le secondait de ses arguments. Quant à Simplicio, c'était le défenseur d'Aristote et de Ptolémée, naïf et quelque peu nigaud. Les adversaires de Galilée parvinrent à persuader le pape Urbain VIII que c'était lui que l'auteur avait voulu figurer en ce benêt personnage. Mandé à Rome, le savant novateur y arriva le 14 février 1633. Il fut traité avec les plus grands égards. L'instruction du procès devant le Saint-Office dura plusieurs mois. Ce fut le 22 juin que, revêtu de l'habit des pénitents, Galilée comparut devant ses juges au couvent de la Minerve. Le grand grief était l'affirmation de la rotation de la terre autour du soleil immobile. Que devenait, dans l'écriture, l'histoire magnifique de Josué arrêtant le soleil? Galilée lui-même trace de son procès un tableau saisissant de vie et de naturel. « Je parus devant la congrégation et me mis à exposer mes preuves, mais pour mon malheur, elles ne furent pas saisies, et quelque peine que je me donnasse, je ne parvins pas à me faire comprendre. » On coupait tous les raisonnements par des élans de zèle, et l'on ne me parlait plus que du scandale que j'avais donné, et l'on m'opposait toujours le passage de l'Écriture sainte sur le miracle de Josué, comme une pièce victorieuse. Le malheureux savant, qui voyait si clairement la vérité découverte par lui et devant laquelle le monde ne tarderait pas à s'incliner, fut condamné à la contrainte par la torture afin qu'il reconnût son erreur. Mais elle ne lui fut pas appliquée. Il dut faire amende honorable à genoux, déclarer que sa doctrine était fausse, signer son abjuration. Il se serait relevé en frappant du pied la terre et criant d'un fier mouvement de révolte « Et pour si mauvais !» Et cependant, elle se meut. Enfin, il fut condamné à une détention perpétuelle. À vrai dire, cette dernière fut aussitôt adoucie. Le Saint-Office lui assigna pour prison sa propre maison de campagne, à Arcetri, en Toscane, où il lui serait permis de recevoir des amis, mais sous la condition qu'il ne parlerait plus jamais du mouvement de la terre. La cécité lui fut une dernière et dure épreuve. Sa fille, Marie-Céleste, religieuse Clarisse, vint adoucir la fin de sa vie. Galilée continua de travailler, bien qu'il fût privé de la vue, entouré de quelques disciples jusqu'à ses derniers jours. Il s'éteignit doucement, dans sa captivité, le 8 janvier 1642, âgé de 78 ans. Ainsi s'achève Galilée, mathématicien de génie, par Funk Brentano.